tourne en rond comme un satellite. À la recherche de son astre, ne voyant plus vraiment la piste. Si ce n'est celle aux étoiles, je suis courant d'air, livre d'or. Au sud, au nord, encore derrière les racines, encore entière à l'origine. Sur le cadastre, butinant toutes les trajectoires, je suis courant d'air, livre d'or. Merci beaucoup. Merci.